بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، donc mes frères bien-aimés, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de tawhid. Nous sommes actuellement en train d'essayer de répondre à un besoin, un des trois besoins essentiels qu'a l'être humain dans cette existence, qui est connaître son Seigneur. Pour cela, nous avons opté pour citer les noms d'Allah Azza wa Jal et certains de ses attributs avec une explication de leur sens, de leur portée, en citant également quelques jugements liés à cela et quelques effets de cela. Et comment on doit adorer le serviteur sans Seigneur à travers ses noms. Les derniers noms que nous avons cités ensemble, c'était les deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Wahidu ou Al-Ahadu, le seul et l'unique. Et nous avons cité ce qu'Allah Azza wa Jal nous a permis de citer à ce sujet-là. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, nous continuons et passons à autre chose, à un autre nom parmi les noms d'Allah Subhanahu Azza wa Jal. Bien évidemment, les noms d'Allah Azza wa Jal sont tous les meilleurs noms, les plus beaux, les plus sublimes. Et il est très difficile de choisir un ordre. Et qui peut prétendre avoir l'ordre le plus logique de l'étude des noms d'Allah Azza wa Jal? Surtout que les noms d'Allah Azza wa Jal sont comme vous le savez, des noms parfaits et majestueux qui se complémentent les uns les autres et qui renvoient les uns vers les autres. Donc ma méthode en cela, en ce choix, c'est le fait d'essayer de prendre des noms qui diffèrent un peu des noms précédents pour que vous n'ayez pas le sentiment de répétition. Car en effet, jusqu'à présent, nous avons cité des noms qui englobent quasiment tous les sens des noms d'Allah Azza wa Jal. Comme nous avons vu avec Allah, Ar-Rabb, etc. Même les deux derniers noms, Al-Wahid ou Al-Ahad, nous avons démontré comment ces deux noms renferment et renvoient vers tous les noms d'Allah Azza wa Jal et ses nobles attributs. Dans une suite logique, on aurait choisi de citer certains noms d'Allah Azza wa Jal tels que Al-Hamid, Al-Majid, Al-Azim et ainsi de suite. Mais de crainte que vous sentiez une répétition et que vous sentiez une lasseur, je sais pas si c'est quoi, lassitude, jazakumullah khair, une lassitude. Donc voilà pourquoi je me suis dit pourquoi pas changer carrément de nom, de type de nom. Comme ça, on parle de choses assez différentes. Bien sûr, ça renvoie toujours vers les noms d'Allah Azza wa Jal et l'essence des noms d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a une certaine subtilité assez claire, Inch'Allah Azza wa Jal, et qui pourra attirer votre attention, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, bien sûr, donc, le but n'est pas de vous dire que ça, c'est la méthode la bonne, la seule, la meilleure. Non, loin de là, très très très loin de là. C'est juste pour essayer de répondre à cela. Car en effet, une des personnes qui assiste à ce cours, mon fils, a dit qu'il y a trop de répétitions dans ton cours. Donc, il m'a dit, on entend toujours les mêmes choses. Donc, il a fait cette remarque, peut-être que d'autres personnes l'ont faite. Donc, pour essayer, pour ne pas négliger la moindre des remarques et prendre en considération le ressenti des gens, voilà, je me suis dit que peut-être il serait pertinent de citer cela. Sachant que les gens de science, lorsqu'ils ont cité les noms d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils ont expliqué, Certains se sont basés sur l'ordre alphabétique, parce qu'on ne peut pas, en vrai, classifier les noms d'Allah Azzawajal ou bien imposer un ordre quelconque. On n'a pas le droit de le faire, on est qui pour le faire et on n'a pas la maîtrise de cela. Donc, pour retrouver facilement les noms d'Allah Azzawajal, ces auteurs ont choisi un ordre alphabétique. Le nom qui commence par Alif, ensuite le nom qui commence par Ba, et ainsi de suite. Et d'autres savants ont choisi un ordre. Un ordre qui leur est paru à eux d'une manière ou d'une autre. Et comme Cheikh Saadi, dans un de ses livres, il a cité plusieurs noms qui se ressemblent, qui sont proches les uns des autres. Donc il les cite ensemble. Après, il donne une explication globale et générale de tous ces noms. Par exemple, vous avez Al-Muhsin, Al-Karim, Al-Jawad, Al-Rahman, Al-Rahim. Tous ces noms vont plus ou moins dans la même direction du sens. Par exemple, si on dit Al-A'la, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Muta'al, Al-Azim, et ainsi de suite, tous ces noms également vont dans le même sens. Donc, lui, il a réuni beaucoup de sens. On a aussi Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Aziz, qui vont également dans le même sens, et ainsi de suite. Donc, il a choisi cette méthode pour faire résumer. Il n'a pas, dans ce livre-ci, il n'a pas cherché à trop détailler, alors qu'il a d'autres livres où il a beaucoup détaillé. Donc, dans ce livre-ci, il n'a pas voulu trop détailler, alors il a réuni les noms qui se ressemblent plus ou moins, justement pour éviter cette répétition qui peut apparaître à beaucoup de gens. Et donc, il a cité ces noms comme ça. Donc, tout ça pour vous dire que la méthodologie d'aborder les noms d'Allah Azzawajal peut diverger d'une façon ou d'une autre. Mais le plus important, c'est que le sens soit toujours le même sens, le sens qui soit adapté aux enseignements du Coran et de la Sunna, ainsi qu'aux enseignements des gens de la Sunna et de la droiture. Et nous implorons notre Seigneur subhanahu wa ta'ala de faire que nous restions toujours et jusqu'à la fin sur cette lignée. Amin. Pour cela, le choix du nom d'Allah Azzawajal, du nom merveilleux d'Allah Azzawajal que nous abordons à partir d'aujourd'hui, c'est le nom d'Allah Al-Latif. Et là, on revient à une autre problématique que nous avons soulignée plusieurs fois, c'est la traduction en français. Rappelez-vous les frères, là, la traduction en français, comme ça, c'est un effort qu'ont fait des traducteurs. Des fois un, des fois deux, des fois dix, des fois plusieurs. Par exemple, vous connaissez la traduction du Coran, qui est le plus connue, la plus répandue, celle que nous disons à notre époque, celle que nous décrivons de nos jours, étant celle du complexe du roi Fahd. Au fait, cette traduction, sa base, c'est la traduction d'une personne qui s'appelle Hamidullah. C'est une personne de France. C'est une personne qui avait un certain niveau de français et religieux. Donc il a fait sa traduction. Alors qu'il y a d'autres traductions, autres, Kazimirski et beaucoup d'autres, en français, en anglais, dans d'autres langues. Lui, Hamidullah, rahimahullah azza wa jal, c'est une personne qui a fait une traduction de musulman du Coran pour donner des sens exacts et corrects, et pour ne pas déformer le sens du Coran, comme certains ont pu le faire pour une raison ou pour une autre. Bien sûr, l'effort humain est toujours imparfait. Donc cette personne, rahimahullah, qui a fait un grand, grand, grand bien, son travail n'était pas parfait. Voilà pourquoi des personnes ont remarqué quelques remarques, au niveau de l'aqida surtout. On dit que voilà, la formulation du sens de ce verset n'est pas parfaite. Donc voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait des remarques plusieurs fois. Après, le complexe du roi Fahd, ils ont fait quoi? Ils ont réuni un comité de personnes qui ont révisé cette traduction à plusieurs reprises. Je ne me rappelle plus le nombre de fois, mais ils l'ont révisé, corrigé, révisé, corrigé, révisé, corrigé. Pour à la finale, ils ont sorti l'exemplaire que nous connaissons. Et même cet exemplaire, certains frères qui font la da'wa, qui sont dans la science, qui sont dans l'étude, ont remarqué qu'il reste encore des erreurs. Là aussi, au niveau de l'aqida. Donc, certains parmi eux, comme le noble frère Nabil Aliwan, a dit qu'il leur a envoyé, lui et d'autres frères, beaucoup de remarques au complexe du roi Fahd pour corriger ces erreurs, pour au moins revoir et rechercher. Malheureusement, ils n'ont pas eu de réaction. Voilà pourquoi, après plusieurs années, Nabil Aliwan et l'autre frère, comment ça s'appelle, Mahash, Rachid Mahash, Rachid Mahash et d'autres personnes ont fait leur essai à eux de traduction. Et si vous comparez, il y a beaucoup de passages qui sont les mêmes, qui sont celles du complexe du Wafed, ou plutôt de Hamidullah, qui sont repris par ces nobles frères qui ont fait ces efforts de traduction. Mais ces frères, ils n'ont pas voulu faire une traduction toute nouvelle. Ils ont voulu juste corriger les passages qui leur ont paru imparfaits. Éventuellement, certaines erreurs dans certains passages. C'est pour ça que si vous comparez les deux traductions de Rachid Mahash et Nabil Aliwan, vous trouverez qu'il y a une différence entre les deux. Ils n'ont pas forcément les mêmes mots qui citent, etc., etc. Donc même ces frères-là, qui ont fait cette traduction, peut-être ils ont vrai et peut-être ils ont faux. Eux, ce qu'ils ont, c'est des personnes en qui on espère le bien, on pense du bien d'eux, au niveau de leur science, leur connaissance, leur suivi du Coran et de la Sunna, et aussi de leur maîtrise de la langue arabe. De ce fait, ils ont fait des efforts. Et encore une fois, ce qu'on a dit pour Hamidullah, rahimahullah, ce qu'on a dit pour le complexe du roi Fahd, ce qu'on a dit pour Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, et l'Uthaymin et l'Albani, ce qu'on a dit pour vous et moi, on le dit pour eux. La perfection n'est pas de ce monde et les erreurs peuvent résider. Concernant les noms d'Allah Azzawajal, vous savez bien que principalement les noms d'Allah Azzawajal sont pris du Coran, principalement, une grande majorité. De ce fait, il y a des personnes qui ont perçu la valeur de connaître les noms d'Allah, alors ils les ont mis à part. C'est pour ça que dans certains livres de traduction du Coran, vous trouvez à la fin les noms d'Allah Azza wa Jal, traduits en français. Donc il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, donc ils ont pris les noms d'Allah et ils les ont mis. Bien sûr, ils se sont basés sur la traduction des anges du Coran. Et je connais même une personne au Bled en Algérie qui est une personne très très avancée dans la maîtrise du français. Lui aussi, il a fait sa recherche à lui dans la traduction des noms d'Allah Azza wa Jal. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde. Des fois, vous voyez qu'un traducteur dit que tel nom doit être traduit par tel mot, ou je propose qu'il soit traduit par tel mot. Un autre frère va dire non, moi je préfère qu'il soit traduit par cela. Dans le nom Al-Latif, j'ai vu quelques traductions. Nous avons le doux, le compatissant, le plein de douceur et de bonté. Non, le doux et le compatissant. Dans la traduction du frère du Bled, il a dit, du Bled d'Algérie, il a dit c'est celui qui est plein de douceur et de bonté. Et à l'étude de l'explication de ce nom, moi je me suis dit que peut-être il est plus pertinent de dire le subtilement bienfaisant. Et peut-être que vous allez comprendre pourquoi j'ai pensé que ça peut être une traduction plus adaptée. Subtilement bienfaisant. Et je le propose, mais je sais qu'il y a toujours des défaillances. Et vous allez voir pourquoi après. Tout ça pour vous dire, les frères en Allah, que traduire certains éléments de la religion qui de base sont en arabe vers le français, c'est très très compliqué. Des fois, les traducteurs ou ceux qui font des essais de traduction prennent un mot, pas pour dire que le mot c'est exactement le sens du mot en arabe. Leur but c'est quoi ? Voilà le mot qui me paraît plus ou moins le plus proche du sens en arabe. Mais il ne réunit pas tous ses sens. Voilà pourquoi des fois, Al-Latif c'est un mot. Moi je vous ai proposé le subtilement bienfaisant de mot. Alors qu'il y a un élément du sens de Al-Latif qui n'apparaît pas dans ce terme-là. Voilà pourquoi le frère il a dit le plein de douceur. Dans une traduction du Coran, le plein de bonté. Donc c'est très très compliqué de traduire exactement le sens en arabe. Voilà pourquoi, une fois de plus, je dis à mes frères en Allah Azza wa Jal que la traduction des sciences religieuses musulmanes vers le français, c'est uniquement une béquille qu'on utilise pour se rapprocher à un certain degré du sens voulu en arabe. Mais soyez certain que vous n'aurez pas tout le sens. D'accord ? Mais pour ceux qui n'ont pas le français, ceux qui n'ont pas l'arabe, mieux vaut avoir un certain pourcentage de connaissances que de ne rien avoir. Donc voilà pourquoi il y a en français ce qu'il y a, tout comme il y a dans d'autres langues ce qu'il y a. La solution, c'est quoi? En arabe. Jalalela. Donc la solution, le mieux, à long terme, il faut être réaliste, le mieux à long terme, c'est d'apprendre l'arabe. D'abord les lettres, ensuite apprendre les mots, les lire. Une fois que tu as les mots, il faut le vocabulaire. Et avec cela, il faut certaines règles, parce que c'est essentiel d'avoir certaines règles nécessaires. Après, quand tu as une bonne base, tu apprends la grammaire, tu apprends d'autres choses. Et après, là, tu commences à comprendre, tu commenceras à comprendre et à distinguer entre les choses. Et à un moment donné, même si tu n'es pas totalement prêt, il faudra te jeter dans l'eau. Tu te jettes dans l'eau au sens, tu écoutes des cours en arabe. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras pas au début. Bien sûr, il faudra choisir. Je sais qu'on veut tous choisir les plus grands savants, comme ça apprendre directement, sans intermédiaire. Mais des fois, les plus grands savants ont un langage ou une façon de parler un peu complexe. Alors, tu prends des personnes qui sont savantes et qui parlent d'une manière compréhensible. Ils articulent bien, leur arabe, leur langage n'est pas compliqué, et ainsi de suite. Et l'un des meilleurs exemples que nous avons, ce qu'ils connaissent tous, c'est et aussi Abdelzak al-Badr. Ouais. Cheikh Abdelzak al-Badr, il est très facile, Cheikh Rouhili également. Donc, alhamdoulilah, au fil du temps, on commencera à écouter des cours en arabe et on commencera à s'imprégner de cette langue, des formules de phrases, etc., etc. Et on commencera à comprendre doucement, Inch'Allah. Et dites-vous bien que beaucoup de gens qui maintenant peut-être font la da'wa, étudient les livres ou autres, étaient à un moment donné des francophones, des anglophones, des russophones ou autres. Et Allah Azza wa Jal leur a permis de faire un apprentissage qui a eu pour finalité être des personnes qui maîtrisent l'arabe. Et vous connaissez que parmi les personnes, il y a un frère qui lit le matin, je m'appelle plus, c'est pour Cheikh Abdelazak ou autre, il s'appelle Abdullah Hassaini, si je ne me trompe pas. Hassaini, hein. Abdullah Hassaini, le chinois. C'est un chinois qui, tellement il a un niveau de science, tellement il a une belle lecture, tellement c'est une personne de confiance aussi, en qui le cheikh a confiance, c'est lui qui lit le matin pour que le cheikh explique après. Donc, et vous savez combien est grande la différence entre le chinois et l'arabe. Tout ça pour dire que c'est possible, bien sûr, pour y arriver, il faut des efforts. Allah Azza wa Jalla nous accorde cela. Le but de cette petite parenthèse, elle est toute petite, c'est de dire que, des fois, vous pouvez dire que, mais pourquoi il dit que c'est le doux, alors qu'il dit que c'est celui qui connaît les subtilités de la science? Comment sa science est subtile et elle embrasse les profondeurs. C'est quoi le lien entre le doux et ce sens? Il n'y a pas de lien apparent. Parce qu'on a fait une traduction en français. Elle est pauvre. Vous voyez? Donc, quand on prend un nom en français, on traduit en français, il ne faut pas attendre à comprendre tous les sens des noms d'Allah Azza wa Jalla à travers ce nom. Et vous allez voir le Robert et vous allez voir le... la rousse, etc. Mais vous allez dire que non, le sens n'est pas bon. Non, c'est pas. C'est juste, encore une fois, c'est juste un enseignement intermédiaire, imparfait, mais juste pour avoir un minimum d'approche de cela. Wallahu azza wa jal, ala wa ala. Donc, le nom que nous allons étudier, si Allah azza wa jal nous le permet et nous l'accorde, c'est le nom Al-Latif. Je le dis en arabe, comme je vous avais dit la fois passée, il faut recenser les noms d'Allah. Parmi les éléments du recensement des noms d'Allah, c'est apprendre ces noms. Je vous avais dit les mémoriser. Pour les arabophones, c'est facile, c'est connu. Al-Latif, c'est connu. Abdel-Latif, c'est connu. Donc, la majorité, je pense que quasiment tous, connaissent ce nom, ou bien c'est facile pour eux de le mémoriser. Mais pour les non-arabophones, ils ont peut-être besoin de le mémoriser. C'est pour ça que je le cite en arabe, Al-Latif. Donc la traduction approximative et rapprochée du sens de ce nom, c'est le doux, le subtilement bienfaisant, le compatissant, le plein de douceur et le plein de bonté. Et Allah Azza wa Jalla est plus sage et plus savant. Le nom d'Allah Azza wa Jal, parfait, Al-Latif, le doux, le compatissant, le plein de douceur et de bonté, le subtilement bienfaisant. Ce nom a été cité dans le Coran 6 ou 7 fois, selon ce qu'a cité certains gens de science, mais moi j'ai trouvé 6 versets. Dans ces versets, majoritairement, ce nom est cité conjointement avec un autre nom qui est Al-Khabir. Et les deux noms se rejoignent dans le fait qu'ils renvoient vers la science d'Allah Azza wa Jal. Et on verra cela, Inch'Allah. Dans le premier verset, Allah Azza wa Jal a dit « Ne connaît-il donc pas celui qui a créé, alors que c'est lui le subtil, le parfaitement connaisseur ?» Là, dans la traduction, ils ont dit « le subtil ». Dans l'autre verset, « Les regards ne peuvent le cerner, mais lui cerne tous les regards, il est le subtil, le parfaitement connaisseur. » Dans un autre verset, et il m'a, dans un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jalla rapporte la parole de Yusuf alayhi salam, et il m'a comblé de bienfaits quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a amené de la campagne après que le diable eut semé la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur envers ce qu'il veut. Il est certes le sage, il est certes le savant, le sage. Mon Seigneur est plein de douceur. Inna Rabbi Latif. Donc là, dans ce passage, les traducteurs ont choisi « il est plein de douceur ». Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Coran, « N'as-tu pas vu qu'Allah a fait descendre du ciel une eau, et voilà que la terre devient verdoyante ? Allah est certes le subtil, le parfaitement connaisseur. » Dans un verset, Allah Azza wa Jalla a rapporté la parole de Luqman alayhi salam, dans lequel il a dit « Ô mon fils, fût-ce le poids d'un grain de moutarde et qu'il se trouve dans un rocher ou dans les cieux ou dans la terre, Allah le fera venir. Allah est certes le subtil, le parfaitement connaisseur. » Dans le dernier verset, selon la traduction, Allah est plein de bonté envers ses serviteurs. Il attribue la bienfaisance, il attribue la subsistance à qui il veut et c'est lui le fort, le tout-puissant. Allahu latifun bi'ibadihi, Allah est plein de bonté. Donc dans ce passage, il a été dit que Allah est plein de bonté pour parler de Allah Azza wa Jalla à travers son nom Al-Latif. Concernant la sunna, ce nom Al-Latif a été je ne l'ai trouvé dans les livres sur lesquels je me suis référé et dans une recherche que dans un seul hadith. Et c'est pas une invocation, c'est pas des louanges qu'a formulé le prophète, il n'y a pas de mérite particulier. C'est juste que le prophète a utilisé ce nom parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, dans sa phrase. Dans ce hadith, la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, rapporte une histoire qui s'est passée entre elle et le prophète. Un soir où c'était sa nuitée dans laquelle devait passer le prophète la nuit chez elle. En plein soir, le prophète s'est levé et est sorti, sans faire de bruit, sans la déranger. Il a attendu qu'elle s'endorme profondément selon ce qui lui est apparu. Après, il est sorti. Aïcha radiallahu anha, c'était une femme qui a senti quelque chose. Donc elle a voulu savoir où est-ce qu'il va. Est-ce qu'il va rejoindre une autre de ses épouses ? Qu'est-ce qu'il va faire exactement ? Pourquoi sort-il au milieu de la nuit comme ça et de manière subtile ? De ce fait, une fois qu'il est sorti, elle est sortie derrière lui pour suivre ses traces. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti pour une noble raison, pas pour une raison mauvaise. Il est sorti car Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'aller dans le cimetière d'Al-Baqi'a et d'invoquer pour les martyrs. Donc c'est ce qu'il a fait, il est parti là-bas, il a invoqué pour les martyrs de Badr. Si je ne me trompe pas. Moi-même, il a invoqué pour les compagnons qui étaient enterrés dans ce cimetière. Une fois la mission accomplie, il est revenu directement chez lui dans l'appartement de son épouse, Aïcha radiallahu anha. Et elle, bien sûr, le voyant revenir, elle est revenue sans qu'il la voie. Elle a pensé qu'il ne l'a pas vue. Et elle est rentrée dans son lit, juste avant lui. Et bien sûr, le prophète, alayhi salatu salam, a ressenti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Il lui a dit « qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui a dit « rien ». Après, il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, soit tu m'informes, soit m'informera al-latif al-khabir. M'informera le subtil, parfaitement connaisseur. Donc soit tu me dis, soit Allah va me dire. Et pour parler d'Allah Azzawajal, il a utilisé ces deux noms, le subtil al-latif, le parfaitement connaisseur. Pourquoi ? Parce que ces deux noms renvoient vers le sens qu'Allah Azzawajal a une science profonde et qui embrasse tous les détails des choses. Donc voilà. Le second hadith, c'est un hadith qui est faible. Et au fait, c'est une invocation qui est dit que le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dite, alors que le hadith n'est pas fiable. Donc dans le hadith, « Ô Allah, sois subtil envers moi et facilite-moi ce qui est difficile, car faciliter ce qui est difficile est facile pour toi, et je te demande la facilité et que tu me préserves dans ce bas monde et dans l'au-delà. » Donc ce hadith a été estimé très faible par Cheikh Al-Bani rahimahullah azza wa jalla. Donc j'ai cité pas pour qu'on le prenne, mais juste pour qu'on le sache. Si jamais dans une certaine source vous trouverez ce doua, vous allez savoir qu'il n'y a pas lieu de dire que le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit. Il n'y a pas de mal à dire que j'aime bien ce doua, je vais le redire. Il n'y a pas de mal, à condition de ne pas dire que le prophète alayhi salatu wa sallam, ne pas croire que le prophète alayhi salatu wa sallam l'a dit. D'accord ? C'est juste, tu as bien aimé la formulation du doua, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci de prononcer ce doua sans pour autant prétendre que c'est un doua dit par le prophète alayhi salatu wa sallam. Wa la ilmu indallahi jalla fi'ala. Le sens de ce noble nom, Al-Latif. Le sens linguistique et le sens religieux. Dans le sens linguistique, le mot Al-Latif revient à une base. En arabe, je ne sais pas si vous savez, en arabe, on revient à la base du mot, qui est très souvent composée de trois lettres. Par exemple, Al-Latif, on revient à la base du mot, là, c'est quoi ? C'est La-Ta-Fa. Et certains savants disent le lam, le ta et le fa. Donc, ce mot qui est basé sur ces lettres a pour sens soit la subtilité, soit la douceur, soit la bienfaisance, soit la petitesse, soit le fait d'être caché. Le fait d'être caché. Donc ça, c'est les quatre sens qui reviennent dans le sens linguistique du mot « la ta'afa ». Donc, des fois, c'est utilisé pour les bienfaits, pour la bienfaisance. Des fois, c'est pour la subtilité. Des fois, c'est pour dire qu'une chose est petite. Et des fois, c'est pour dire que la chose est cachée. Au niveau religieux, le sens de ce nom « Al-Latif ». Un certain nombre de gens de science citent que ce nom a deux sens. Et d'autres rajoutent un troisième sens. Le premier sens, c'est celui qui est subtil dans sa science, au point de connaître ce qui est caché, ce qui est enfoui, et ce que renferment les cœurs, et ce que renferme la terre. Deuxième sens, c'est celui qui fait atteindre ses bienfaits, sa bienfaisance, à ses serviteurs, avec des façons inapparente, des façons ajiba, étonnantes, et avec des organisations très subtiles et très ingénieuses. Je ne sais pas si on peut dire ça. Donc là, il y a deux sens. Le premier sens, ça concerne la science d'Allah Azzawajal. Al-Latif, le premier sens de Al-Latif, c'est celui qui a un sens subtil des détails et des profondeurs. Et des choses qui sont cachées, inapparentes. Donc, ça rejoint le nom d'Allah Azza wa Jalla, Al-Alim, en français, le connaisseur. L'omniscient. L'omniscient. Et Al-Khabir, le parfaitement connaisseur également. Donc, la première partie du sens de ce nom rejoint ces deux noms-là. C'est celui qui connaît toutes choses et qui connaît dans les profondeurs. L'omniscient, celui qui connaît toutes choses, ça s'englobe tout. Il connaît les choses dans leur globalité, dans leurs détails. Dans ce qui est apparent, dans ce qui est inapparent. Donc ça englobe tout. Al-Latif, et aussi le Khabir, ça dit qu'il connaît les choses dans les profondeurs et dans les détails, et ce qui est caché. Bien sûr, celui qui connaît ce qui est caché, à plus forte raison, il connaît ce qui est apparent. Celui qui connaît ce qui est subtil, connaît forcément ce qui n'est pas subtil, ce qui est clair et évident. Donc, tous ces noms-là renvoient vers le fait de dire qu'Allah Azzawajal a une science qui embrasse toutes choses, qui connaît toutes choses et que rien n'est caché pour lui. L'apparent et l'inapparent pour lui sont le même. Ce qui est caché et ce qui n'est pas caché, c'est le même. Ce qui est subtil et ce qui n'est pas subtil, c'est la même chose. Parce que Allah Azzawajal connaît toutes choses sans aucune exception. Ce sens-là, on va l'approfondir, Inch'Allah Azzawajal, à un certain degré dans les prochains cours, lorsqu'on parlera de ces deux noms d'Allah Azzawajal, l'omniscient ou bien le parfaitement connaisseur. Ça, c'était le premier sens de ce nom. Le second sens de ce nom, c'est celui qui fait parvenir ses bienfaits, ses grâces, ses bontés à ses serviteurs. Il leur fait parvenir cela avec des moyens inapparents, cachés, subtils et avec des méthodes très étonnantes et avec des organisations parfaites. Nous avons vu le nom d'Allah Azza wa Jal, le tout miséricordieux. Nous avons dit que ce nom a pour effet qu'Allah Azza wa Jal fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs, soit des bienfaits de ce bas monde ou bien de l'au-delà. Et ça englobe tous les bienfaits. Là, Al-Latif, c'est, comme on verra plus tard, c'est un cas particulier, spécifique du sens de le tout miséricordieux. C'est celui qui fait parvenir ses bienfaits de manière subtile, cachée, inapparente, étonnante, inattendue. Inattendue. Donc Allah Azza wa Jal fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs. Ses bienfaits s'englobent toutes choses. S'englobent ce qui concerne la dunya, et s'englobent ce qui concerne la religion, et s'englobent ce qui concerne l'au-delà. Allah Azza wa Jal fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs avec les méthodes que les gens connaissent et dont ils espèrent le résultat. Par exemple, la subsistance. Allah Azza wa Jal a établi que la subsistance s'octroie en faisant les causes, si Allah Azza wa Jal accorde cela. Donc les gens, ils vont faire quoi? Ils vont faire les causes. Ils vont se lever le matin, ils vont sortir, ils vont travailler, ils vont se salir, ils vont se fatiguer, ils vont, après ils reviennent. Et Inch'Allah Azza wa Jal, à travers cette cause, Allah Azza wa Jal leur accordera une richesse, une subsistance. Donc c'est une cause qu'ils ont fait, qu'ils connaissent, et à travers laquelle ils espèrent leur bienfait. Et Allah Azza wa Jal leur donne ce bienfait à travers cette cause. Mais des fois, Allah Azza wa Jal fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs par des méthodes, par des façons, par des chemins que les gens ne connaissent pas, ne connaissent même pas ce chemin-là, cette voie. Et ils ne s'y attendaient même pas. Et des fois, ils ne ressentent même pas la chose. En effet, des fois, toi, tu peux sortir pour faire des courses. Tu peux sortir pour aller prendre un café. Tu peux sortir pour aller à la mosquée. Tu peux sortir pour aller visiter une personne. Tu peux sortir pour une raison quelconque, particulière et spécifique. Et quand tu sors, Allah Azza wa Jal mettra sur ton chemin des éléments qui seront la cause pour laquelle tu gagnes du risque. Toi, tu n'es pas sorti pour chercher le risque. Tu es sorti, disons, un bon exemple, tu pars pour faire la prière à la mosquée. Et sur ton chemin, une personne te dit, oui, ça, est-ce que moi je cherche une voiture. Et toi, tu sais qu'un frère que tu connais propose une voiture à vendre. dis, je crois qu'il y a une voiture à vendre. Attends, je vais voir une personne. Tu appelles, tu dis, voilà, il y a une personne qui cherche une voiture. Ça ressemble à ce que tu vends, toi. Si je fais l'intermédiaire, tu me donnes un petit billet, tu me donnes un billet. Oui, je te donne un billet. Si tu arrives à me la vendre. Classe. Donc, il représente le vendeur. Voilà. Il y a telle voiture, je t'emmène, tu vas l'essayer, tu vas la voir. Et après, il gagne son petit billet. Mais la cause, la raison, c'est quoi? C'est qu'il est parti faire la prière. Et sur son chemin, Allah Azzawajal lui a ramené une personne. Et ça, c'est du vécu. C'est du vécu, vous avez sûrement vécu, vous avez connu des gens qui l'ont vécu. Donc, le but, c'est que Allah Azzawajal, de par son nom Al-Latif, fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs de manière, par des chemins dont ils ne savent pas, ils ne s'attendaient même pas à cela. Des fois, c'est tellement subtil que c'est étonnant, c'est incroyable. Subhanallah. Moi, je suis parti pour une chose et finalement, il y a une autre chose. L'un des exemples que j'ai perçu dans cette vie ici-bas, c'est une personne qui cherchait à se marier. Pendant longtemps, plus d'un an. Reda, tu me proposes une chose, je dis, j'ai pas. Il part, il revient. Reda, tu as une proposition? Non, il part, il revient. Après un an, toujours la même chose. Bon, le frère avait une condition un peu compliquée. Après maintenant, la condition, j'ai enlevé juste une femme pieuse. Classe, je lui dis, cette condition était, tu avais mis la barre haute, donc je ne pouvais pas te proposer parce que je n'avais pas. Maintenant, je vais revoir. Quelques semaines plus tard, il revient vers moi. Il me dit, au fait, Reda, il travaille au marché. Il m'a dit, il y a une personne qui est venue vers moi. Il m'a dit que je te vois depuis un certain temps dans le marché, en train de commercer. Je pensais que tu es une personne droite, sérieuse et tout, donc je te propose ma fille. Et ils se marièrent, ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc ce frère en question, lorsqu'il partait au marché, il partait plus pour se marier. Là, il a cherché, il a demandé, il a parlé à tout le monde, les commerçants, les acheteurs et tout. Et là, après, ça y est, il s'est saoulé. Voilà, je vis ma vie au salon. La femme, on lui a ramené dans un plateau en or. Entre parenthèses. Il y a des gens qui rigolent. Hein. Donc, le but, c'est quoi? C'est de dire que Allah Azza wa Jalla te fait parvenir ses bienfaits par des façons, par des méthodes, par des causes que tu as suivies. Et des fois, tu ne suis pas du tout de méthode. Tu vas pour faire la prière, tu vas pour visiter ta mère, visiter un frère filaire, tu vas pour faire tes courses, tu vas pour te balader, pour faire du sport. Et Allah Azza wa Jalla veut te faire parvenir un de ses bienfaits et il met sur ton chemin quelque chose qui fait que tu trouves un téléphone. Un ordinateur, une sacoche. Une personne normale, comme un citoyen simple, un musulman correct, tu prends la sacoche, tu vas à la mairie, tu vas à la poste-police, voilà, j'ai trouvé ça. Ah oui, mais il y a telle et telle chose, je m'en fiche, c'est pas moi, je prends pas ça là. La personne peut-être qui va dire, ah oui, c'est toi qui m'a... Je te donne un petit billet. Non, moi j'ai fait ça pour Allah, je cherche rien. J'insiste, vraiment, c'est un cadeau. Achète des bonbons pour ton fils, pour tes enfants, ou achète un cadeau pour tes enfants. C'est un risque. Et il y a des personnes qui ont vécu ça. Donc, Allah Azza wa Jalla a fait parvenir ce risque à cette personne par un moyen subtil, sans que la personne ne le sache. Donc, ça rentre dans le sens du nom d'Allah Azza wa Jalla, Al-Latif. Des fois aussi, Allah Azza wa Jalla réunit des causes qui auront pour finalité que cette personne sera touchée par un bienfait quelconque. Et des fois, ces causes-là sont des chemins tortueux, au sens que ce chemin-là, il peut être un chemin difficile, semé d'embûches, d'épreuves, de difficultés. Et le meilleur exemple, c'est ce que vous connaissez de l'histoire de Youssef alayhi salam. Youssef alayhi salam était un enfant. Le diable a semé la discorde entre lui et ses frères. Ils l'ont envié. Ils ont voulu lui causer nuisance. Ils ont voulu le tuer. Finalement, ils l'ont jeté dans un puits. Imaginez, ils l'ont jeté dans le puits. C'était un enfant. Hein. Imaginez comment il a pu être, comment il a ressenti ça, ses frères en plus. Ensuite, il a été récupéré par des voyageurs. Il a été pris pour un serviteur. Il a été le servant dans le palais. Ensuite, il a grandi. Il était rapproché du roi, ou du grand ministre. Ensuite, il a été éprouvé par la femme du roi ou du ministre. Ensuite, il est parti en prison. Vous voyez toutes ces épreuves-là. Il est passé par beaucoup, beaucoup d'épreuves pendant longtemps. Et après, il est sorti de prison en étant lavé de tout doute, de toute accusation fausse. Et ensuite, il est devenu noble et responsable dans ce grand pays qui était l'Égypte. Et Allah Azzawajal a fait que ses frères sont venus, donc il a pu réunir ses frères et ramener son père et sa mère pour les ramener chez eux en Égypte, là où il y avait un développement économique meilleur que là où eux vivaient. Donc ils sont rentrés avec tous les honneurs et toutes les noblesses en Égypte. Donc ça, c'était la finalité. Il ne faut pas oublier que Yusuf alayhi salam, à un moment donné, il fut prophète d'Allah Azza wa Jal. Donc il était prophète, il était haut responsable d'un grand pays à l'époque. Allah Azza wa Jal lui a réuni sa famille, ses parents et ses frères. Il a enlevé la haine qu'il y avait, ou bien la discorde qu'il y avait entre eux. Ils se sont pardonnés. Et après, justement, quand il a vu tous ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal réunis en lui, il a, selon certains savants, invoqué qu'Allah Azza wa Jal prenne son âme, parce que ça, il a tout fait. Et sachant que les prophètes n'avaient pas d'attache particulière à cette dunya. Nous, on aurait souhaité vivre 200 ans, si on peut, juste pour manger du pain. Eux, ils avaient toutes les richesses et tout le pouvoir et toutes les possibilités, mais leur attache était vers l'autre monde. C'est quoi l'idée de l'histoire ? C'est que pour arriver à cette finalité, il est passé par les épreuves. Parce que s'il serait resté dans son village, est-ce qu'il aurait été recueilli par les voyageurs ? Est-ce qu'il serait rapproché du haut responsable du pays d'Égypte ? Est-ce qu'il serait éprouvé par la prison ? Tout ceci ne serait pas passé. Alors Allah Azza wa Jalla lui a voulu d'atteindre un statut, un rang, des bienfaits, des mérites, mais pour arriver à cela, il l'a fait passer par un chemin tortueux. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui l'a préservé. Il aurait pu être tué par ses frères. Mais Allah Azza wa Jal l'a comblé de ses bienfaits, l'a protégé, l'a préservé. Il a juste été mis dans le puits. Et ainsi de suite. Donc, parmi les sens du nom d'Allah Azza wa Jal, le subtil, voilà pourquoi ils ont dit subtil. Parce qu'il fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs de manière subtile, inapparente. Des fois contre toute attente. Et c'est pour ça que des fois, souvent, il y a des gens qui ont des ouvertures dans leur situation au moment où ils pensaient que ça y est, c'est fini. Combien de personnes, combien de couples étaient à deux doigts de divorcer ? Là, ils allaient divorcer, c'est tout. Après, Allah Azza wa Jalla a fait qu'il y a un élément qui fait que des fois, c'est même une épreuve. La maladie d'un enfant, la perte d'un parent, ou autre chose. Après, ces personnes-ci, qui étaient en discorde, trouve un terrain d'entente, trouve comment faire pour oublier, pour mettre de côté leurs divergences et se rapprocher. Cohésion. Dans une cohésion. Elles sont dans une cohésion et après ils peuvent vivre ensemble des années plus tard. Tout ça pour dire que le subtil. C'est pour ça que dans la traduction que j'ai proposée, je vous ai dit le subtilement bienfaisant. Ça veut dire qu'il fait parvenir ses bienfaits de manière subtile, de manière inattendue, cachée, inapparente, contre toute attente des fois. Et des fois, en passant par des épreuves. Des fois, c'est quand tu tombes malade, Allah te fait tomber malade, c'est à partir de ce moment-là que tu te repens. Parce que tu as vu, comme, juste pour reprendre l'expression, c'est pas vrai, mais juste pour prendre l'expression, tu as vu la mort avec tes yeux. Tu fais un accident de voiture et tu vois que tu es à deux doigts de mourir. À partir de ce moment-là, tu te reprends. Comme nous au bled, il y a eu le grand tremblement de terre de 2003. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de pertes financières. Des maisons, des villas, des immeubles qui ont été cassés, qui ont été détruits. Mais ça a été la cause pour un certain nombre de personnes qui se sont remises sur la religion. Et qui, pour beaucoup parmi eux, n'ont jamais délaissé après la prière, ni le fait d'aller à la mosquée, ni. Etc, etc. Donc tout ça revient dans le sens du subtil, ou bien subtilement bienfaisant, qui fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs, de façon qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, qu'ils s'y attendent ou qu'ils ne s'y attendent pas, apparente, inapparente, et même des fois contre toute attente. Et même des fois, après des difficultés et des épreuves. Mais la finalité est le bonheur extrême. Comme l'a dit le prophète alayhi salam concernant, dans le hadith, le jour de la résurrection, on ramènera la personne, une personne parmi les gens du paradis, qui était la personne qui a qui a vécu le plus misérablement dans cette vie ici-bas. C'est la personne qui a vécu une vie la plus misérable qu'on puisse imaginer. Depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier parmi nous, c'est lui qui était le plus bas, le plus bas, le plus bas. On le fera rentrer un laps de temps au paradis. Et on en ressortira. On lui posera la question de toute ton existence. As-tu vu un mal quelconque? As-tu vu une difficulté quelconque? Il dira non, Wallah, ô mon Seigneur. Je n'ai jamais vécu un mal, je n'ai jamais vu un mal. Suite à quoi? Tac, tac, au paradis. Que dire de ce qu'il va ressentir une fois qu'il va passer l'éternité au paradis? Et il va jouir de tous les délices et les bienfaits qu'il y a au paradis. Parce que là, c'est juste rentré et sorti. Il n'a peut-être sûrement pas fait grand-chose. Donc, voilà pourquoi Cheikh Saadi, lorsqu'il parle de ce nom-là, il commence par parler de la guider, des bienfaits d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs concernant sa religion, concernant l'au-delà. Parce que quel que soit ce que tu vis dans ce bas-monde, si tu finis par sortir de ce bas-monde pour aller juste après au paradis, t'es gagnant, t'es pas perdant. Ce que tu as perdu est minime par rapport à tout ce que tu vas gagner. Alors il se peut qu'Allah Azzawajal choisisse et décide et décrète que pour une telle personne, ce sera la difficulté dans ce bas monde. Ce qu'il attend dans l'au-delà, les gens diront « Oh, si seulement j'ai vécu ce qu'il a vécu ». Vous connaissez le hadith dans lequel le prophète a dit « Yawm al-Qiyama, il y a des gens qui ont subi des tortures dans ce bas monde de par leur foi. Parce qu'ils ont eu la foi, la croyance, des gens les ont persécutés et ils les ont torturés avec des pinces. Donc ils ont coupé leur chair, la chair de leur corps, je m'excuse, hein, avec des pinces. Des tenailles. Jazakallahu khairan. Yawm al-Qiyama, Allah Azzawajal leur accordera une récompense. Il les compensera de tout ce qu'ils ont subi pour la face d'Allah Azzawajal. Et les gens qui verront cela auraient souhaité qu'ils reviennent à la dunya et qu'ils subissent ce qu'ils ont subi pour avoir les mérites et les bienfaits que ceux-là ont. Et bien sûr, il n'y a pas de retour dans ce bas monde. Donc, Allah Azzawajal décide ce qu'il veut. Vous connaissez aussi la femme parmi les compagnons qui avait des crises du type crise épileptique. Elle tombait par terre, elle se débattait, c'était des passages. Elle est venue auprès du prophète alayhi salam, elle lui a dit, voilà, j'ai des crises, je me débats par terre et tout, et je me dévoile, quand je me débats, voilà, je n'ai pas la raison, je me dévoile, invoque Allah Azzawajal. Le prophète alayhi salam lui a dit quoi? Il lui a dit, si tu veux que je l'invoque, je vais l'invoquer. Il te guérira, Inch'Allah, s'il veut. Et si tu veux, tu patientes face au décret d'Allah. Et tu auras le paradis. Elle n'a pas réfléchi à deux fois. Elle a dit « je patiente ». Sauf qu'elle a dit « je me découvre, je suis une femme, je suis pieuse, pudique, et j'aime pas que voilà, les gens voient ma cheville ou choses comme ça. Est-ce que tu peux invoquer pour moi ?» Il a dit « oui ». Il a invoqué pour elle que lorsqu'elle a ses crises, elle ne se dévoile pas totalement. Après cela, certains compagnons, lorsqu'ils la voyaient, après la mort du prophète, disaient aux gens, voulez-vous voir une femme parmi les femmes du paradis? On dit oui. Voilà, c'est cette femme là-bas. Il la montrait du doigt. Il disait voilà. Et après c'était le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc certes, elle a fini sa vie avec ce problème de santé, mais la finalité, je vous laisse l'imaginer en lisant le Coran et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jal nous fasse profiter de la science utile et profitable, et qu'il nous permette de la mettre en pratique dans notre vie, et qu'il nous accorde ses bienfaits dans l'au-delà. هذا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Oui. Est-ce qu'il est permis de s'appeler Latif et non pas Abd al-Latif? Je n'ai pas en mémoire que les savants ont cité ce nom parmi les noms interdits à autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a certains noms qui sont interdits à autre que lui, comme Allah, comme As-Samad, comme Al-Qayyum, comme d'autres aussi. Et je n'ai pas en mémoire que les gens ont cité celui-là. Et Allah, donc je ne peux pas te dire ni oui ni non. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.